Chapitre 9e. Le secret par le feu. Il se coiffa et se décida à s'en aller. Craignant un piège, une trappe quelconque, que cette fois il ne pourrait éviter, il voulut se retirer au plus vite. Comme dans le corridor tout à l'heure, tous les murs du salon étaient identiques, et rien n'indiquait l'emplacement des portes, que l'encombrement des tableaux, des vitrines, des statues dissimulaient plus grandement. Mais Martin Numa avait remarqué en entrant que la bergère se trouvait à droite, le piano au fond. Par conséquent, il ne pouvait maintenant se tromper, ni aller frapper un mur qui ne lui aurait pas donné passage. Il courut rapidement à l'endroit où la porte par laquelle il était entré devait mathématiquement se trouver. Il l'aperçut en effet, il souleva la tenture, tira brusquement cette porte. Elle n'était pas fermée. Sans doute, ceux qui avaient attiré le détective dans ce guet-apens, en le voyant pénétrer dans ce salon, se croyaient maintenant trop sûrs de la réussite pour prendre cette dernière précaution. Martin Numa se trouva donc dans le couloir à peine éclairé par la lampe arabe. Il n'eut pas d'hésitation à retrouver l'emplacement de la porte de sortie. Mais comme il allait y atteindre, devant lui, il trouva tout à coup la cuisinière. Celle-ci avait l'air furieux, les yeux hagards. Elle tremblait de tous ses membres. En proie à une fureur atroce, elle s'avançait vers Martin Numa comme décidée à livrer bataille avec lui. Martin Numa était l'homme des résolutions promptes. Il vit la cuisinière passer la main sous une draperie et chercher probablement un bouton, un ressort quelconque. Martin Numa fit un bond et tomba sur la vieille femme. La saisissant par son caraco, par la manche, il l'amena jusqu'à la porte et, tout en la maintenant ainsi, bien qu'elle se débattît fortement, il parvint à mettre la clé dans la serrure et ouvrit. Mais au moment où il passait la porte et allait entrer dans le couloir en entraînant sa prisonnière récalcitrante, celle-ci, d'un mouvement brusque, se dégagea de l'étreinte de Martin Numa qui ne la tenait plus que d'une main par le collet de son caraco. Elle fit un saut en arrière, laissant dans les mains du détective cette partie de son habillement, son caraco, et d'un bond, elle piqua une tête comme si elle voulait faire un plongeon à travers une des tentures, à l'autre bout du couloir, et elle disparut comme par enchantement. Mais Martin Numa avait eu le temps de voir les bras robustes et poilus, le torse musclé d'un gaillard solide. La bonne cuisinière qui savait faire, pour la petite rentière, des plats doux à l'estomac, était tout simplement quelques vigoureux chenapans au service d'une bande admirablement organisée et merveilleusement outillée. Martin Numa ne s'étonna pas de cela, et la porte de sortie ouverte à présent, il se précipita dans le couloir. Arrivé à la porte donnant sur la rue, il lança quelques coups de sifflet. Prosper et Philippe accoururent, avec leurs hommes, et l'on revint à la porte de l'appartement de la bonne petite rentière. La porte s'était refermée derrière Martin Numa, qui cette fois en vain essaya de l'ouvrir. Sa clé magique faisait bien manœuvrer la serrure, mais la porte semblait tenue de nouveau par des gâchettes qui ne lui permettaient aucun jeu. Philippe se détacha et courut chercher dans la voiture de Martin Numa tout ce qu'il fallait pour enfoncer une porte. Pendant ce temps, deux agents maintenaient la concierge et l'empêchaient de parler, de même qu'ils défendaient au locataire de s'attrouper dans l'escalier, de donner l'alarme, de crier. Quand Philippe revint avec une hache, un levier, les instruments nécessaires, un long moment s'était écoulé. Lorsque la porte, attaquée vivement, céda enfin et que l'on put pénétrer dans l'appartement, un gros flocon de fumée frappa au visage Martin Numa et ses hommes, des flammes jaillirent de partout, et l'odeur de l'essence de pétrole qui brûle les saisit à la gorge. Tout l'appartement de Madame Marc, la petite rentière de la rue du Débarcadère, était en feu. Quand les pompiers arrivèrent, le feu avait détruit tout le rez-de-chaussée. C'est à grand-peine qu'ils parvinrent à sauver les étages de la maison. L'immeuble, naturellement, avait été évacué, mais les locataires furent gardés, sous prétexte de leur donner abri et tenus sous la surveillance des agents de Martin Numa. Dès le matin, il fut possible de pénétrer dans l'appartement incendié où quelques foyers fumaient encore sous la lueur noirâtre. Tout était calciné, détruit par le feu. Cependant, Martin Numa, en cherchant parmi les décombres, finit par trouver une armature d'acier qu'il fit mettre de côté et emporter par Prosper. Il croyait reconnaître en cela le ressort caché dans la bergère. Il se proposait de l'étudier. Désormais, il abandonna le lieu du sinistre qui ne pouvait plus rien lui révéler. Il commença l'interrogatoire des locataires et surtout de la concierge. Les locataires étaient de très braves gens, employés dans divers magasins du centre de Paris ou attachés au garage d'automobiles des environs. Aucun ne semblait être pour quoi que ce soit dans cette aventure. Quant à la concierge, Martha Numa, qui la questionna lui-même très longuement, acquit la certitude qu'elle était sincère dans sa déposition. Elle déclara à Martin Numa, ou plutôt au commissaire qui l'interrogeait en présence de Martin Numa, elle déclara avoir loué le rez-de-chaussée à la rentière depuis un an, que jamais elle n'avait eu à se plaindre de cette locataire, maniaque peut-être, qui vivait très renfermée, ne recevait personne, avait peur de tout le monde, mais payait régulièrement ses quittances et ses fournisseurs. Elle avait à son service une cuisinière et une femme de chambre. Il n'y avait rien à dire sur son compte. Comme visite, elle ne recevait que celle de sa nièce. « Une jeune fille charmante, » dit la concierge, « toujours très élégante. » Parce que Madame Marc avait une certaine fortune, et probablement aussi les parents de la nièce, avec de grands yeux noirs, très aimable, et qui ne serait jamais passée devant ma loge sans me demander de mes nouvelles, sans me dire bonjour. Martin Numa ne pouvait manquer de reconnaître, dans cette nièce si charmante, la jeune femme aux yeux noirs, Gabrielle de Bellery, qu'il trouvait sans cesse mêlée à toutes les opérations de cette singulière aventure. Ici, nièce et femme de chambre. Et ce fut à peu près tout, sauf quelques détails sans importance pour lui, ce que l'enquête sur cet incendie révéla. Martin Numa pensa bien qu'il ne pourrait trouver dans les décombres ni ossements ni crânes carbonisés. Il était évident que la bergère aménageait avec de puissants ressorts d'acier, pour le prendre lui, ou tout autre peut-être, amené comme lui dans ce guet-apens, dans cette maison coupe-gorge, devait être facilement manié par les associés ou les complices de cette bonne rentière. Martin Numa savait très bien que tous ces forbans à qui il avait affaire devaient être vivants, et qu'ils avaient tenu par-dessus tout en mettant le feu à effacer le moyen de percer le mystère dont ils s'entouraient. Le feu avait à présent tout détruit. Martin Numa ne pouvait rien savoir, rien trouver, rien voir. Et les auteurs de cette scène avaient facilement disparu. Or, c'était précisément ce qui en ce moment intriguait Martin Numa. Cette disparition l'inquiétait au plus haut point. Car Madame Marc paraissait peu leste, asthmatique, nullement ingambe. Sa fuite ne devait pas être très prompte, très aisée. Madame Marc, enfin, on l'eût remarqué s'il avait tenté de fuir, et on l'eût facilement arrêté. Cependant, Madame Marc demeurait invisible. Par où était-elle donc passée ? C'était une question que, pour le moment, Martin Numa n'arrivait pas à résoudre. Cependant, Martin Numa ne désespérait pas de découvrir par quel chemin avait fui cette singulière rentière, cette extraordinaire cuisinière, si bienveillante pour sa maîtresse, dont il avait gardé, lui, entre les mains, le bizarre caraco, seule pièce à conviction, seul témoin grotesque de cette aventure. Quelques jours après les constatations des compagnies d'assurance, le propriétaire se décida à faire commencer les réparations dans l'appartement. Martin Numa suivait les travaux de déblaiement et de réparation. Il ne trouva rien encore. Cependant, comme avec une pioche de démolisseur, il tapait dans le mur du petit jardin, il remarqua, dans un coin, un amas de branches sèches, de feuillages, de terreau. Avec sa pioche, il eut l'idée de donner quelques coups dans l'amas de détritus. La pioche s'enfonça. Mais quand il tira à lui la pioche, tout cet amas de terre, de branches et de feuilles vint à lui, tourna en rond comme sur un plateau, et montra une ouverture. Cet amas de terreau se trouvait sur une sorte de plateau en bois qui s'adaptait à l'angle formé par le mur et une maison voisine. Il bouchait une ouverture faisant communiquer le jardin avec un escalier dans lequel Martin Numa aussitôt s'engagea. Cet escalier le conduisit à une petite voûte. La voûte aboutissait à un des couloirs dans lesquels passent les conduites à gaz. Puis elle quittait ce couloir municipal et allait, sous terrain minuscule, se perdre dans un détour des fortifications près de la porte Maillot. C'est par là donc que Madame Marc et sa cuisinière modèle avaient pris, comme nous le disions, la clé des champs. « Désormais, me dit Martin Numa, je n'ai plus à m'occuper de cette maison. J'ai seulement à retrouver Madame Marc et son cordon bleu. »